Le respecté dirigeant suprême Kim Jong-un a envoyé comme présent les instruments musicaux au palais des enfants de Samjiyon. La cérémonie de remise de présents a eu lieu le 21 en présence des cadres intéressés, du personnel enseignant et administratif et des membres des cercles du palais. Après le discours de remise de présents, on a transmis les instruments musicaux.